Édition d'octobre 2014. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Voici ce que j'ai fait depuis la dernière émission régulière. Le 31 août, puis les 2 et 3 septembre, j'ai travaillé au script des résumés Perry Rodden pour les fascicules 110 à 119. Le lundi 1er septembre, j'ai effectué la mise en ligne de l'émission régulière de septembre du podcast et j'ai reçu des missives de Fred et d'André Bory en réaction à la dite émission. J'ai poursuivi la transcription de la 14e partie des Relations des Jésuites les 2, 11, 23 et 29 septembre. Les 3 et 4 septembre, je me suis attelé à préparer la post-production pour les résumés Perry Rodden. Le jeudi 4, j'ai mis en ligne une nouvelle de Garpo, interprétée par Eglantine. J'informais celle-ci de l'apparition et nous reprenions la discussion au sujet du projet René Aîné. Le samedi 6, j'ai poursuivi les discussions avec Eglantine sur le projet René Aîné et, suite aux encouragements de Corvo, nous avons décidé de remettre le projet sur les rails. Aussitôt, j'ai entrepris de revoir et de préparer les enregistrements déjà reçus et de contacter Ezois, qui s'était montré intéressé à y participer en juillet. Suite du boulot sur René Aîné du 7 au 11 septembre. Le jeudi 4, j'ai terminé la préparation et j'ai enregistré mes interventions pour les 3 premières émissions hors série à caractère historique du podcast. Le lundi suivant, la première émission hors série classique a été mise en ligne. Le 22, ça a été le tour de la première émission hors série Histoire. J'ai monté le lendemain les émissions 2 et 3 des hors série Histoire. Diffusion probable en octobre. Le 11, j'ai mis en ligne la version audio de la page 3 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Aussi, le jeudi 11 septembre, j'ai rencontré personnellement en personne André Bory et sa compagne Marie-Christine à la maison. Le lendemain, je réalisais une brève entrevue avec André et, en après-midi, nous partions, Marie-Christine, André, ma conjointe et moi, en balade motorisée, traversant Bury, Dodwell, Saint-Camille, Wharton, pour nous arrêter à l'étang Burbank à Denville. Le samedi, nous partions tous quatre pour le Townshipers Day qui se déroulait cette année à Quaticook. Nouvelle balade en auto le dimanche pour dévoiler à nos visiteurs les charmes de la région de Magog. En fin d'après-midi, nous disions au revoir à des amis qui, le lendemain, retournaient à Montréal pour prendre l'avion qui les ramènerait en France. Le lundi 15, j'ai répondu à quelques courriels, puis j'ai scripté et préparé la page 8 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Le jeudi suivant, j'ai mis en ligne la 9e partie des Relations des Jésuites. Le dimanche 20 septembre était jour de relevé des statistiques de téléchargement. J'ai découvert que les résumés Perry Rodden ont franchi la marque des 3000 téléchargements. Le lendemain, j'ai réalisé une brève entrevue avec l'auteur Mario Fecteau qui me visitait. Mise en forme de l'entrevue, le 23. Le jeudi 25, c'était la mise en ligne de l'épisode 17 du PC Chauve et Paul Courtemèche. Le mercredi 1er octobre, j'ai enregistré les résumés Perry Rodden pour les fascicules 110 à 119, ainsi que la page 8 de l'édition du 22 septembre 1883 du Progrès de l'Est. Le lendemain, mise en ligne des résumés Perry Rodden pour les fascicules 90 à 99. Puis, début de la préparation de l'émission hors-série Histoire 4. Au courrier ce mois-ci, d'abord Fred, d'Audiocité, qui réagit à notre émission de septembre. Belles émissions comme d'habitude. Merci, tu es gentil comme toujours. Juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour l'équipe Mazas, quoi qu'il en soit, et quel que soit l'état de l'ordi de Cathy, on est toujours à ta disposition. Pour Mazas, je peux toujours lui prêter le mien, même si j'ai du mal à en décrocher. Triste pour Robin. Je l'aimais bien moi aussi. Aussi, André Bory, qui réagit à l'émission de septembre. Tu essaies vraiment de motiver mon fan club. Et oui, j'ai essayé. Je trouve déjà extraordinaire que tu aies trouvé tant de personnes, que je ne remercierai jamais assez, pour permettre une édition audio de mes romans. Et c'est vrai que cette forme de lecture est formidable pour les non-voyants. Nous avons un couple d'amis qui ont un copain non-voyant et je leur ai indiqué les éditions de l'avenir. Leur ami en est ravi. Hey, chouette! Le 4 septembre, Églantine réagissait au propos de Corvo. Ben, il est super, ce Corvo! Quelqu'un de très bien, ce monsieur, qui a beaucoup de goût et une grande sûreté de jugement. Je plaisante. Ben, il me donne envie de m'y remettre, pas à toi? Églantine parle ici du projet René Aîné. Et si on remet ça, dis bien à Corvo que ce sont ses commentaires sympathiques qui m'ont donné envie de continuer. Ben, voilà, c'est fait, Églantine. Le 13 septembre, Corvo m'écrivait via le livre d'or d'audiocité. Cher Christian, la rentrée se faisant après-demain, j'ai encore cette journée pour vous écrire. Ce sera mon dernier message avant l'année prochaine. Tout d'abord, mes sincères félicitations et remerciements à Églantine pour son interprétation de Silence. Bravo pour votre première émission hors série. Je l'apprécie d'autant mieux qu'elle rend hommage à l'un de mes auteurs préférés. Ces émissions HS seront-elles sporadiques ou publiées à des intervalles réguliers? Je voulais, au départ, les mettre en ligne régulièrement, mais ce ne sera pas possible, malheureusement, chacune demandant tout de même un minimum de recherche. Ah, le temps, le temps! Je suis un peu curieux, mais comptez-vous faire quelque chose de spécial pour l'émission du podcast de décembre, vu que ce sera la 50e? Ce sera la 50e? Diantre, je n'avais pas réalisé. En fait, je songeais à faire une émission spéciale, non parce que c'était la 50e, mais parce qu'il s'agissait de l'émission de décembre. Et puisque le feuilleton de la 3e aventure de Mazas Pavel se terminera à l'émission précédente, l'émission de décembre pourrait servir d'émission tampon, en quelque sorte. Mais à vrai dire, j'ignore encore ce que je présenterai en décembre. J'ai vraiment hâte de lire la nouvelle de M. Bory, où Sylviane Spolansk apparaît. À ce propos, pourrais-je solliciter une autorisation plus ou moins formelle de la part de M. Bory? En effet, j'aimerais bien, quand j'aurai le temps, écrire une petite nouvelle relatant les pérégrinations du Revanche après son attaque par l'émir et son équipe. Pour ce faire, j'aimerais ressusciter le navigateur du vaisseau fantôme, c'est pourquoi je sollicite cette permission. Je n'ai aucune intention de commercialiser cette production et d'en tirer le moindre profit financier. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me servir d'intermédiaire auprès de M. Bory? C'est fait. Et puisque je voyais André le lendemain, j'ai eu le plaisir de lui remettre votre raquette en main propre. Ce sera possiblement l'unique fois où j'en aurai la chance. Ce cher André avait un grand sourire aux lèvres en lisant votre missive. Avec toutes mes amitiés et à l'année prochaine, Corvo. P.S. Puisse le projet René Aîné aboutir à un magnifique audiobook riche en interprètes, effets sonores et, ce qui ne me surprendra pas de votre part, en qualité. En tout cas, grâce à vous, on essaiera. Dès son retour en France, toujours via le livrateur d'audiocité, André écrivait à Corvo. C'est avec plaisir que je lirai la nouvelle que vous désirez écrire sur le vaisseau fantôme Revanche. Je vous laisse volontiers le soin de ressusciter son commandant. Grâce à vous, un vaisseau disparu de l'univers de Mazas pourra poursuivre ses pérégrinations. Retour ce mois-ci de la capsule de Jean-Seb. À toi, Jean-Seb. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean-Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et si possible québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. À la dernière édition, j'ai pris une petite pause pour ma capsule nouveauté et ça m'a fait du bien. J'avais un peu trop de débordements de toutes parts et ce fut nécessaire pour mon équilibre. feu roulant pour le retour au travail après les vacances, ma dernière héritière légale qui rentre au secondaire, mes téléchargements de podcasts n'allaient vraiment pas très bien avec iTunes et je voulais avancer mes dossiers audio, dont La momie de Edgar Allan Poe, que je devais faire depuis très longtemps pour Christian et dont la date finale de tombée est pour dans quelques jours. Les problèmes sur ce cas particulier sont grandement parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop procrastiné. Je pensais au début faire la production en collaboration avec d'autres personnes, ce qui s'est avéré trop difficile pour moi, et aussi le fait que c'est mon premier long texte que je réalise et que je ne peux le faire en une seule prise dans mon auto sur l'heure du dîner. De plus, j'ai eu de la difficulté à trouver le bon ton pour réaliser ce texte d'un autre âge. En ce qui me concerne, je ne veux pas juste lire des textes, je désire leur donner une âme, un peu d'émotion, un côté théâtral, et le tout en essayant de créer une ambiance dans ma tête qui prendra seulement forme lors du montage final. Tâche qui, dans mon cas, peut prendre plusieurs heures. Je vous invite à essayer de lire le chapitre d'un livre en vous assurant de prononcer absolument tous les mots, de les articuler de façon parfaite, voire même parfois exagérée pour que ça sonne bien, en plus d'une touche théâtrale et émotive. Ben, moi, je fais tout ça, mais en plus, je bégaye, je me plante sur les liaisons, j'hésite sur le ton à employer, je cafouille à répétition sur certains mots qui semblent parfois simples, et patati et patata, alors que des coupures et des reprises redondantes à répétition, j'en ai un lot, une barge et un char, quand je viens pour faire le montage. Et dites-vous qu'en plus, je joue sur le temps des silences pour mettre l'emphase sur un mot ou pour que ça coule mieux, alors que la lecture des mots que j'ai faits sont hachés et hésitants. Plusieurs personnes qui désirent se lancer dans l'audio ne sont pas faits pour se casser la tête sur ces futiles détails. Moi, ça m'amuse. En ce qui concerne mon iTunes qui était selon moi planté et qui m'a forcé à revenir avec une version précédente, eh bien, j'ai récemment pris la chance d'installer la dernière mise à jour qui m'était offerte. Mes épisodes ne se téléchargeaient toujours pas. J'hésite à dire si j'étais en furie ou totalement anéanti face à la tâche colossal de sauvegarder tous mes documents, lister les logiciels que je devrais réinstaller, puis formater l'ordinateur afin de repartir à neuf et éliminer tous les vieux bugs restants. Avec l'expérience, je sais que je suis dû pour le faire sous peu. 3 ans maximum entre ces grands nettoyages d'ordinateurs. Je retarde cette échéance depuis un grand bout déjà, je vous le dis, et j'étire. À chaque fois, j'espère juste ne pas faire face à un bug majeur, comme c'est souvent mon cas, avant de daigner le faire. Mais bref, pour iTunes, j'ai remarqué qu'il y a maintenant un petit nuage, et quand je clique dessus, ça télécharge le fichier. Fiouf, ce n'est pas un bug. C'est une merveilleuse amélioration du logiciel dont je n'ai absolument pas besoin et je n'ai pas encore trouvé comment la désactiver. Je fouille de temps à autre dans les menus d'aide, mais là, tout est redevenu à la mitaine. Néanmoins, faire ces exercices m'a permis de ranimer une certaine flamme pour un podcast que j'adore depuis longue date. En cliquant de ci de là, je me suis mis à télécharger plusieurs des anciens épisodes que je n'avais pas écoutés. Je parle ici de « Des audios plein la tête » réalisés par Luna No Name. Il y a eu dans son histoire quelques trous de production, Et justement, l'un d'eux s'est récemment terminé. Tout ce que je sais, c'est que c'est une Européenne, de par son accent, qui m'excite dès que je l'entends. Si j'étais un homme, j'aimerais me promener torse-poil dans la rue. Ah ouais, ça c'est un fantasme. Je crois que j'en avais déjà fait un audio sur ça. Je n'ai vraiment pas trouvé d'infos sur cette tordue des audios, à part que jadis, ça s'était déjà appelé le joyeux bordel. Je suis parano. Tu n'auras jamais mon adresse. Tu ne me connaîtras jamais. Tu ne sauras jamais qui je suis. Et qui te dit que je ne suis pas en train de trafiquer ma voix? Il te dit que je ne suis pas en train de trafiquer ma voix. Et qui te dit que je ne suis pas en train de trafiquer ma voix? Qui te dit que je ne suis pas en train de trafiquer ma voix? Mais, bon an mal an, il y a plus de 140 épisodes de sortie et que vous pouvez retrouver entre autres sur lunanoname.free.fr et bien sûr sur iTunes. J'ai même vu des traces sur Netophonix, peut-être dû au retour en 2012 du site, et on peut y lire « Les monos de Luna No Name racontent à la première personne la vie du personnage Luna No Name. Au fil des monos, une cohérence apparaît et on entreaperçoit une jeune fille gentille, un peu gauche, rêveuse, ouverte d'esprit et excentrique, rêvant en secret de tuer tous les gens qui l'embêtent. Personnellement, ce que j'en dis, c'est que les productions durent entre 30 secondes et 6 minutes, pour une moyenne de 2 minutes, donc ce sont des podcasts qui sont très courts, donc très facilement accessibles à tout le monde. Peu importe la charge d'écoute qu'on a et le temps disponible. Ces audios commencent par le son unique de sa voix faisant down, down, down. Aloïta, mes chéris. Et puis le reste, c'est une surprise totale, un feu d'artifice qui nous porte à réfléchir. Parfois juste sourire, parfois elle est toute douce et elle peut exploser soudainement. Et Martin Dayak a justement choisi la réponse qu'il ne fallait pas surtout pas donner dans ce type de revue. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, faites attention à ne jamais avoir d'attitude physique agressive. C'est pas du tout mon cas, Martin Dayak. J'adore réellement ce genre de podcast-là. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur son univers à un moment, puis se referme aussi subitement. Et on en veut juste d'autres. Je crois qu'on va bien s'amuser tous et tout ensemble. On va s'éclater, je dirais même. Et j'attends ces jours avec impatience. Quant à Épicure, j'ai fait plusieurs enregistrements par-ci par-là, souvent sans aucune suite logique, ça va comme ça me vient. Bien que l'uniformité du son comme tel m'importe beaucoup moins dans mon podcast que dans ma capsule nouveauté ou dans la lecture d'un texte, mais j'en profite pour faire des tests, ce qui fait que j'ai des grands bouts qui sont inutilisables pour diverses raisons. Soit le bruit de fond qui est vraiment trop fort, j'ai beau essayer de faire des coupures de fréquence, enlever le bruit de fond, à ce moment-là, ma voix devient totalement hachée. C'est vraiment horrible. Alors, ça m'oblige à refaire certains bouts lorsque j'arrive pas à obtenir des résultats le moindrement acceptables, même avec des traitements du son. Un jour, je vous ferai part de mes expériences en ce domaine, mais ça, c'est une autre histoire. À vous, le studio! Merci, Jean-Seb. Suite du feuilleton Massas Pavel, un monde en héritage par André Bory. Voici ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Sur la planète glacée où s'est craché le cœur de Fomalo, Massas ordonne à Hector, le robot de combat, de forer un tunnel dans la glace qui l'empêche de gagner l'air libre. La machine s'exécute. 15-20 minutes plus tard, elle débouche à l'extérieur, arme au poing. Après une avance prudente, elle aperçoit un premier quartier qui lui tourne le dos. Il est blessé. Elle l'achève de son poignard. Pendant ce temps, sur le vaisseau de John Pavel, Ark s'impatiente et demande quand John partira pour retrouver Massas. John répond qu'il le fera dès qu'il aura donné ses ordres au commandant de son escadre. En effet, alors que le reste des mercenaires se mettent à la recherche de l'émir et de la nef poissonneuse, le vaisseau de John se lance au secours de sa sœur. Sur la planète de glace, Mazas a contourné les trois captifs survivants. Subrepticement, elle parvient à en éliminer un deuxième. Pendant ce temps, le vaisseau de John arrive à proximité de la planète indiquée par les coordonnées récupérées dans la micro-balise où Steve a trouvé refuge pour son cœur de Fomalo. L'équipage s'étonne de n'obtenir aucune réponse à leurs appels radio. Sur la planète de glace, Mazas foudroie un troisième quartier au radiant, mais le quatrième connaît désormais sa présence et lui tire dessus. Sur le point d'en venir tout de même à bout, elle reçoit soudain un choc violent dans le dos qui la projette au sol. Les éditions de l'avenir présentent Mazas Pavel, un monde en héritage, un roman fanique de l'univers de Perry Rodden par André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série numéro 12. Chapitre 8. Le mulot castor avait fini par s'endormir et il était en train de rêver qu'il mangeait avec délice une savoureuse botte de carottes géante obtenue par voie télékinésique. La voix de Rabotax 3 le tira de son sommeil, le faisant redescendre sur Terre. Hélas, plus de dons surnaturels et plus de carottes dans cette triste réalité. L'émir, la nef est réparée et nous décollons dans 15 de tes minutes. Si tu le désires, tu peux venir dans le poste de commandement. Merci de m'avoir prévenu. Pourtant, tu as interrompu un rêve merveilleux. Un rêve ? Non, rien, laisse tomber. Je te rejoins aussi vite que mes pauvres pattes me le permettront. Lilt s'installa dans son fauteuil quelques instants avant que les moteurs atomiques ne se mettent en route. Sans la moindre secousse, le vaisseau quitta le sol et silence apparut bientôt en entier sur les écrans mis à sa disposition par le commandant robot. Il contempla la planète qui rapetissait rapidement et songea. « J'ai aidé un peuple à se défendre contre son prédateur principal, mais je ne connaîtrai jamais leur évolution et... j'ignore même les noms de mes nouveaux amis. » réalisa-t-il soudain, avec un petit rire de dérision. Un changement dans le régime des réacteurs l'informa que la nef n'allait pas tarder à passer dans l'espace linéaire. « Tu es bien sûr que nous allons émerger à notre point de départ ?» Un pilote humain aurait sans doute réagi violemment à une question qui lui était posée pour la troisième fois en moins d'une heure. Mais les machines ne s'énervent jamais. Et l'imperturbable Rabotax lui répondit pour la troisième fois de sa voix monocorde. « La programmation a été faite dans ce sens. » Le mulot castor haussa les épaules. « Dans combien de temps ferons-nous d'arriver ?»« Dans 12 de tes heures. » « Bon, alors je vais reprendre mon somme en espérant finir mon rêve. Préviens-moi une demi-heure avant la sortie de l'entre-espace. » Rien, toujours rien. Maugréa et Yves Mantel. Et toujours pas de contact radio. Surenchérit Vanek. S'ils se sont posés sur ce monde glacé, nous devrions pouvoir détecter la masse métallique de leur vaisseau. Observa John. On va donc faire quelques révolutions autour de ce petit paradis givré. S'il n'y a rien, on filera vers la troisième planète. L'Arcturus entama ses rotations, mais sans que ses détecteurs réagissent. Le pilote et le radio se lancèrent un regard qui en disait long. Mais aucun n'eut le courage de dire ce qu'il pensait, à savoir que les chances de les retrouver vivants étaient extrêmement faibles, sinon nulles. Seuls Pavel, Kalec et Arx espéraient encore, malgré l'absence totale d'indices, que leur recherche finirait par aboutir. « Cap sur la dernière planète !» Yves Mantel hocha la tête et, pianotant sur les touches de sa console, programma la nouvelle route du vaisseau. Alors que leur but occupait tout l'écran d'approche, une lumière verte apparut sur le moniteur du détecteur d'énergie. « Qu'est-ce que c'est ?» Instantanément en éveil, les occupants de la passerelle observèrent le pilote qui interrogeait la positronique. En réponse, quelques secondes plus tard, l'appareil cracha une bande plastique dont John s'empara prestement. « Émission de tirs énergétiques !» lut-il triomphalement. Aussitôt, le poste de pilotage ressembla à une ruche en pleine activité. Le chef des mercenaires bascula l'intercom sur le général et lança « Je veux que Ribot et ses hommes me rejoignent en tenue de combat devant le Triscaf. Nous partons dans 5 minutes !» Il se tourna alors vers le pilote. Yves, tu prends le commandement. Reste en contact avec nous, mais garde l'Arcturus en orbite tant que je ne t'appelle pas à la rescousse. Il quitta la salle, Arx et Kalec sur ses talons. Le sergent Ribaud et les cinq hommes de sa section étaient alignés près de l'écoutille d'accès du SAS intégré du véhicule blindé lorsque les deux hommes et l'antilon débouchèrent dans la soute. Le ferrolien, très rochère, se tenait à leur côté. John fronça les sourcils, mais se contenta d'annoncer « Les détecteurs ont enregistré des impulsions énergétiques. Il est possible qu'il s'agisse de ma SAS et de ses compagnons, mais nous n'avons malheureusement rien de plus précis. » On va descendre et rechercher l'origine de ces dégagements d'énergie. Tout le monde à bord! Le sergent prendra les commandes, je servirai de copilote. Départ dans 3 minutes. Mazas grimaça de douleur, mais se félicita d'avoir activé son écran protecteur quelques instants auparavant. Sinon, sa carrière aventureuse se serait achevée sur ce monde glacé. Tout en se tassant à côté du corps de sa victime, elle s'empara de son désintégrateur, tandis qu'une question lui taraudait l'esprit. Qui avait pu lui tirer dans le dos alors que le seul adversaire vivant se trouvait en face d'elle, à 200 mètres environ? Elle risqua un œil dans la direction du tireur mystérieux et eut un hoquet de surprise. À moins de 100 mètres, se tenaient 4 kerptis en spacandre de combat, le casque vissé sur la tête. Merde, d'où ils sortent ceux-là? Mais le temps n'était plus aux interrogations, car elle se trouvait prise entre deux feux et son écran, qui avait rempli son office précédemment, ne pourrait pas la protéger bien longtemps contre les tirs simultanés de 5 adversaires. Les kerptis avaient stoppé leur progression, se contentant de lâcher quelques salves dans la direction de la jeune femme. Fort de leur supériorité numérique et sûr de sortir à terme vainqueur de l'engagement, il ne leur était plus nécessaire de mettre leur peau en jeu inconsidérément. La Carsacienne, toujours blottie dans son trou, s'aperçut que les insectoïdes entamaient une manœuvre d'encerclement qui, si elle réussissait, ne lui laisserait pas la moindre chance de s'en tirer. Dès lors, il ne lui restait qu'une solution, quitter son abri avant d'être entouré de toutes parts, pour tenter de se réfugier dans l'épave du cœur de Fomalo 2. Plus facile à dire qu'à faire. Pour atteindre son but, il lui fallait courir à découvert, même si elle avait repéré quelques endroits où elle pourrait s'abriter en cours de sa progression, et s'exposer aux tirs de 5 monstres bien décidés à en finir avec elle. 20 mètres en avant, légèrement sur sa gauche, un monticule de glace pourrait lui proposer une première protection. Elle accrocha le thermoradio en bandoulière, agrippa fermement le désintégrateur et jaillit de sa cachette en balayant l'espace autour d'elle avec son arme. Courant, en effectuant des crochets aléatoires, elle parvint à son refuge en n'ayant été que 2 fois frôlée par des faisceaux énergétiques. Aplatie derrière son abri, le visage coloré par la fluorescence verte générée par l'émetteur de son engin, elle entama un feu roulant contre les adversaires qui se hâtaient dans sa direction. Ceux-ci se jetèrent au sol, mais pas assez rapidement, car elle eut la satisfaction d'en toucher un qui s'effaça subitement. Pas mal, mais il en reste 4. 4 qui avaient décidé de ne plus prendre de risques et qui expédiaient à tour de rôle des salves qui l'obligeaient à rester abrité, lui interdisant toute sortie. Constatant qu'il ne lui était plus possible de reculer, elle se prépara à défendre chèrement sa vie. « Ma vieille, j'ai l'impression que tu es arrivée au bout de la route. » murmura-t-elle avec fatalisme. Elle avait côtoyé la mort à de si fréquentes reprises qu'elle avait depuis longtemps prévu qu'un beau jour, ce serait la Camarde qui l'emporterait. Ce qui ne la transformerait d'ailleurs pas en victime expiatoire le moment venu. Bien au contraire, elle avait l'intention, si c'était le cas, d'en emmener un maximum avec elle. Précepte qu'elle mit aussitôt en pratique, désintégrateur dans la main droite et thermoradiant dans la gauche. Les kerptis n'étaient plus qu'à 60 de mètres d'elle et l'un d'eux mordit la poussière traversée par le fin pinceau du radion. Les 3 suivants disparurent à sa vue, cachés par les inégalités du terrain. Pendant 5 longues minutes, rien ne bougea. Reprenant un peu espoir, Mazas entama une reptation arrière, mais un tir, heureusement absorbé par l'écran de sa combinaison protectrice, la frappa au niveau de l'épaule droite, l'obligeant à lâcher son arme et la faisant tournoyer sur elle-même. D'un bond, elle réintégra son abri, se maudissant pour avoir perdu le désintégrateur. Il lui restait heureusement des armes, certes moins dévastatrices, mais qui lui permettraient peut-être de retarder la Lalie. Ses adversaires, furieux de leur perte et sans doute pressés d'en finir, entreprirent de pulvériser l'amoncellement de glace qui lui servait de bouclier. Rapidement, la situation de la jeune femme devint intenable. Risquant un œil derrière son abri en partie détruit, il vit les 3 extraterrestres, debout, qui continuaient à pilonner son refuge. Afin de calmer leur ardeur, elle dirigea son arme vers eux, un peu à l'aveuglette vu le déluge de feu qui lui tombait dessus, et écrasa la détente à 5 reprises. Pour quelques secondes, l'arrosage systématique de sa cachette s'interrompit et reprit de plus belle. Un tir un peu plus précis fut volé dans les airs l'ultime morceau de glace qui la protégeait et elle se leva pour faire face à ses exécuteurs et ne pas se faire abattre alors qu'elle rampait sur le sol. Cette fois, c'est la fin. Elle attendait le coup de grâce quand elle vit l'un des cartiers lâcher son arme et basculer en avant. Piloté par le sergent Ribaud, le Triscaf entama sa descente, se dirigeant vers l'endroit où avaient été détectées des émissions de flux énergétiques. Là, des vaisseaux! Tous les regards se tournèrent vers Kalec, dont le doigt pointait sur l'un des écrans. Ce sont des Kerbtiers! S'exclama Trégauchère. Exact! Approuva Kalec. Il s'agit bien de 3 de ces aiguilles volantes avec qui nous avons eu maille à partir. On se pose derrière cette élévation et on leur tombe dessus. Ordonna le chef des mercenaires. 10 minutes plus tard, le blindé multi-usage stationnait sous la garde du sous-officier et de l'un de ses hommes, tandis que le reste du commando se dispersait suivant les ordres de John Pavel, après que celui-ci leur ait bien recommandé. Lorsque vous serez en place, vous attendrez mon signal pour attaquer. Et souvenez-vous que j'aimerais avoir au moins 1 prisonnier à interroger. Quelques instants plus tard, ils surplombaient l'endroit où s'étaient posés les engins des insectoïdes. 2 d'entre eux déambulaient tranquillement en discutant. J'ai l'impression qu'ils sont là pour surveiller les vaisseaux. Je suppose que leurs congénères sont ailleurs. Là où ont été détectées les émissions énergétiques? S'enquit Kalec. Probablement. Pour le savoir, on va interroger ces 2-là. L'antilan s'approcha de John. Max va s'en occuper. Le colosse hocha la tête. D'accord, mais j'en veux au moins 1 de vivant. Max en restera à John. Promit l'octopode. Et il s'éloigna. Ses compagnons le virent s'approcher de ses futures victimes en glissant littéralement sur le sol. Sa combinaison gris clair se confondait avec la couleur ambiante. Il put ainsi arriver jusqu'à 10 de mètres des quartiers. Puis, il bondit. Son attaque les prit complètement par surprise. D'un coup de hache, il fracassa le casque et la tête du premier, tandis que 3 de ses pseudopodes s'emparaient du second, lui arrachaient l'arme qu'il portait dans un étui et le serraient dans une étreinte irrésistible. Quelques instants plus tard, Kalec et ses compagnons l'avaient rejoint et le débarrassaient de son captif dont ils emprisonnaient les 4 paires de bras et les jambes dans des liens magnétiques. « Beau travail, Arx !» consentit à dire John un peu à contre-cœur. 10 minutes plus tard, grâce au translateur, et après que l'antilan se fut montré très persuasif, les Terraniens savaient par où étaient partis les autres captiers. Pavel appela Ribaud et lui relata en quelques mots ce qui venait de se passer. Il conclut « Amène le Triscaf auprès des 3 vaisseaux et attends notre retour. On te laisse le prisonnier en cadeau. » Puis, ils enclenchèrent les antigènes de leur combinaison et, volant à 3 mètres du sol, filèrent en direction des émissions de flux énergétiques. Ils y parvinrent au moment où Mazas se levait pour faire face à la mort. Mort qui fut le lot des insectoïdes fauchés par les rafales des arrivants. Le frère et la sœur tombèrent dans les bras de l'un de l'autre, le premier soulagé au-delà de toute expression de la retrouver vivante. Arx lui caressa l'épaule de l'un de ses tentacules en un geste plein de tendresse, tandis que Talek et Trégrochère lui bourraient amicalement les côtes. Alors que la jeune femme racontait ses tribulations après avoir remercié ses sauveteurs, le minicom du mercenaire vibra et la voix du sergent retentit. « Colonel, je viens d'avoir l'arc du russe. Vanek a eu un contact avec le Torifique. Il a retrouvé la nef moissonneuse et vient d'envoyer une navette pour récupérer l'émir. »« Bravo, bonne nouvelle. Viens nous rejoindre près de l'épave du cœur de Famalo. Il y a des blessés embarqués. »« J'arrive. Qu'est-ce que je fais du prisonnier ?»« Tu l'amènes avec toi. » Puis, s'adressant à Mazas, il ajouta. « Tu parais songeuse, petite. »« Non, plutôt surprise. »« Pourquoi ?»« Que l'émir ait demandé une navette au lieu de se téléporter directement sur le Torifique. Cela m'étonne. »« Bah, il n'a pas voulu impressionner mes mercenaires qui n'ont encore jamais eu affaire à lui. »« Justement, cela ne lui ressemble pas. » Une heure plus tard, le Triskaf quittait le monde glacé où les occupants du cœur de Fomalo 2 avaient failli tous perdre la vie. À bord, le commando de John, le survivant du crash et un quartier ficelé contre le dossier d'un fauteuil. Ce dernier avait répondu à la question que se posait Mazas. Comment trois aiguilles volantes avaient-elles pu se retrouver sur la même planète qu'eux? La réponse était simple. Au moment de son passage en catastrophe dans l'entre-espace, la sphère de Terkenit avait arraché dans son sillage trois petits vaisseaux hors du continuum einsteinien. Et ceux-ci avaient logiquement abouti à peu près au même endroit que leur ravisseur involontaire. Sitôt à bord de l'Arcturus, John Pavel demanda au pilote de descendre jusque dans l'atmosphère de la planète, puis de récupérer à l'aide de rayons tracteurs les trois aiguilles volantes et de les stocker dans les soutes. Cela fait, plus rien ne retenait le chef des mercenaires, qui donna le feu vert à Mantel pour quitter les lieux et programmer un passage dans l'espace linéaire afin de rejoindre le plus rapidement possible la petite armada qui servait d'escorte à la nef moissonneuse. La jonction fut effectuée 16 heures plus tard, et Mazas et ses compagnons purent admirer le grand navire au nez en forme de groin qu'ils avaient recherché pendant de longs jours, sous la menace de la flotte Kerbtie. Mais elle était impatiente de revoir l'émir, auquel elle demanda, via le centralcom des deux bâtiments, de venir la rejoindre sur le vaisseau amiral. « J'arrive tout de suite !» se contenta de répondre le mulot Castor. Elle s'attendait tellement à le voir apparaître sur la passerelle de commandement dans son brasillement habituel qu'elle fut stupéfaite lorsqu'elle apprit sa venue à bord d'une navette. Leurs retrouvailles furent des plus joyeuses et des cris enthousiastes s'élevèrent quand Lilt annonça qu'il connaissait les coordonnées du monde recherché. Cependant, Mazas sentit en lui une sorte de réticence et elle l'interrogea mentalement. Mais il ne manifesta pas le moindre intérêt pour sa question. Elle fut un peu ulcérée par son manque de réaction, mais ce n'est qu'une demi-heure plus tard, alors qu'ils étaient seuls, qu'il lui révéla son secret. Il avait perdu tous ses pouvoirs parapsychiques. Elle le regarda d'un air consterné. « Mais ce n'est pas possible !»« Et la fille, je te demanderai toutefois de n'en parler à personne pour le moment. Promis !» Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le 8e chapitre de Mazas Pavel, un monde en héritage d'André Bory. Nos interprètes, K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Ezwa dans le rôle de l'émir, Kael dans le rôle de Kalek Boram, Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel, Merzlin dans le rôle de Yves Mantel, Patrice dans le rôle de Vanek, Gabriel Jean dans les rôles de Trégrochère et de Rabotax, Stanley dans le rôle de Ribot et Christian Martin dans le rôle de Axe et à la narration. L'histoire appartient à l'auteur et est protégée par copyright. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'Avenir. Pour tout savoir de nos productions, rendez-vous sur l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt. Et me voici en compagnie d'André Bory dans mon petit studio. Bonjour à tous. Là, je suis ravi d'être d'avoir enfin fait la connaissance visuelle de Christian et de Diane. Diane qui d'ailleurs nous a accueillis à Montréal et puis qui s'est occupée pendant 3 jours de deux pauvres Français qui auraient été bien embêtés sans son aide. Voilà. Jusqu'ici, t'aimes ton voyage au Canada? Ce voyage nous a beaucoup plu. On était partis en emmenant des gros manteaux parce qu'on s'est dit au Canada, il fait froid. Quand on est arrivé, il faisait 28 degrés à Montréal. Quand on est reparti de Montréal, au bout de 3 jours, il faisait 32 degrés. Et on avait toujours nos manteaux avec nous. Et arrivé à Trois-Rivières, sous la canicule, dans la nuit, on a eu droit au déluge. Ce qui a bien calmé le temps et ce qui nous a fait beaucoup de bien à nous. Et aujourd'hui, il fait 13. Et aujourd'hui, il fait 13. Mais il faut dire que maintenant, nous avons enfin récupéré Diane et Christian. Et effectivement, chez eux, il fait plus froid que ce que nous avions eu avant. Mais le paysage est magnifique et donc ça permet de passer sur le temps froid. Tu me disais hors d'onde que tu avais terminé finalement les nouvelles pour Mazas, la grand-mère, la Mazas originale. Exact. Donc ça a été terminé il y a déjà un mois environ. Les 4 nouvelles donc, qui sont prévues être le final de Mazas, Pavel, pour l'instant sont donc à la relecture. Mais ne paraîtront chez Basis qu'en novembre 2015. Donc patience, Corvo. Mais si Corvo prend contact avec moi directement, peut-être pourrons-nous échanger quelques mots sur le franc-passeur qui se trouve dans son exosquelette. Oui, j'ai oublié son nom aussi. Donc, tes 4 nouvelles s'intitulent comment? Alors, la première, qui consiste en fait à la dernière mission acceptée par Mazas Pavel pour l'OMU, s'appelle Exfiltration. Il s'agit pour elle de sortir d'un monde. Un des agents d'Atlan qui détient des renseignements primordiaux concernant la vie du Stellark, Périrodan, mais il ne peut pas sortir du monde parce que il a été repéré par les adversaires et Mazas Pavel est donc chargé de le récupérer. La deuxième. La deuxième, c'est celle qui va particulièrement plaire à Corvo. Ça s'appelle l'improbable alliance. En fait, quand on a quitté le Polonska, qui est le vaisseau de Sylvain Polonsk, le franc-passeur handicapé, honnêtement, personne ne pensait le revoir, Mazas toute la première. Et un jour qu'elle est sur Karzak auprès des siens et que sa petite fille Erin est dans ses bras, il y a son père qui vient lui annoncer qu'un certain franc-passeur l'a réclamé et voudrait lui parler. Très surprise, elle prend contact avec lui et ben, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire, évidemment, non. Mais finalement, malgré tous les griefs qu'ils ont les uns envers les autres, ils s'allient pour une cause juste. La troisième. La troisième, ça s'appelle Première Mission. Et en fait, la petite Erin, donc la fille de Mazas et de Stevomir, a 15 ans. Elle est évidemment, comme tout le monde, elle a suivi la culture des mercenaires sur Karzak. Et donc, elle tanne ses parents pour venir avec eux en mission. Et bon, jusqu'à présent, Steve ne veut pas en entendre parler. Mais là, comme ils ont une petite mission tout à fait simple, de surveillance, Mazas accepte donc que sa fille vienne avec eux. Évidemment, la petite mission toute pépère, eh ben, c'est pas du tout le cas. Et puis finalement, tout l'équipage du cœur de Fomalo 5, parce qu'il y en a déjà eu pas mal, Steve en a cassé pas mal, tout l'équipage est fait prisonnier par des pirates, sauf Erin, mais je ne dévoilerai pas de quelle façon. Et donc, c'est la petite Erin qui est chargée de libérer tout l'équipage pour... Et donc, évidemment, elle réussit. Je vous rassure. Oh. Et la dernière ? La dernière, qui s'appelle La fin du voyage, verra la fin, si l'on peut dire, de Mazas et de tout l'équipage du cœur de Fomalo 5, puisqu'il faut bien une fin à un moment ou à un autre. Mais, sait-on jamais, peut-être qu'un jour... Mazas reviendra. Donc, c'est ça, tu t'es laissé une porte de sortie. Voilà, je me suis effectivement laissé une porte de sortie, mais bon... On verra. Et t'en es où dans le projet de la petite Mazas Irsing? C'est ça son nom? Oui, elle s'appelle Mazas Irsing, puisque Erin l'a eu... Quand la petite Mazas, la deuxième, est née, son père était déjà décédé dans un combat, puisqu'il était mercenaire. Et donc, elle a été élevée pendant quelques années par sa mère, par Erin. Et Erin, à son tour, a disparu, tuée dans un combat contre d'autres personnes. Et avant de décéder, elle l'a confié à Arx. Oh boy. Et donc, c'est Arx qui s'occupe de son éducation, au grand dam, évidemment, de la famille Karzassienne, qui apprécie assez peu de ne pas avoir récupéré la petite fille, et qu'elle soit, au contraire, remise à un extraterrestre, pour lequel ils n'ont pas beaucoup, beaucoup d'atomes crochus. Wow. Et donc, l'histoire commence. Mazas a 23 ans. Elle a suivi des cours d'archéologie extraterrestre. Et donc, c'est un petit peu un Indiana Jones féminin. Elle recherche des artefacts aliens. Et puis évidemment, à chaque fois qu'elle trouve quelque chose, elle est confrontée à d'autres civilisations, enfin, etc. Et l'histoire commence, elle est convoquée par une personne qui est en train de mourir dans un hôpital et qui veut lui parler avant de mourir. Voilà. Après, il faudra lire l'histoire pour connaître la suite. Donc c'est là où tu en es. Ah non, j'en suis beaucoup plus loin, là. Je suis dans l'histoire, j'ai écrit à peu près un bon tiers du roman. Oh bon, c'est bon. Oui, non, je suis bien parti. Donc, ça paraît 15, hein? Il faut déjà que je le termine. Et il y a surtout une chose, c'est que je suis parti dans de telles considérations que ce premier roman risque d'avoir une suite. Ah ben, j'espère. Oui, non, mais je veux dire, il risque d'y avoir deux tomes au roman. Ah, ben c'est bon. Ben alors, on verra. Parce qu'en fait, j'étais obligé de créer tout un univers qui soit propre à cette nouvelle Mazas, ouais. Avec des extraterrestres qui ne soient pas ceux de Périrodan, avec un armement qui ne soit pas le même. La positronique n'existe pas. Évidemment, les vaisseaux ne sont plus les mêmes. On n'existe plus. Si, il existe toujours. Il existe. Au niveau de la positronique, il a fallu. Historiquement, étais-tu capable de faire fi complètement de ce que tu as écrit avant? Non, non, non, pas du tout. Non. Mais enfin, bon, le mot positronique n'existe plus. La technologie avancée. La technologie avancée existe évidemment. Il y aura même un androïde qui apparaît, qui aura beaucoup d'importance d'ailleurs dans le roman. Okay. Et puis, mais un androïde qui est, que l'on prend vraiment pour un humain. C'est un exemplaire unique qui a été fait par un, qui a été créé. Et son créateur a été tué peu après, donc c'est le seul et unique exemplaire qui existe et tout le monde le prend pour un humain. Ok, il est encore mieux que Mitch Hennigan ou... Disons que c'est un petit peu le même genre. Il est moins lourd, c'est sûr, parce qu'en fait, il est électronique, forcément, il y a de l'électronique, mais il a aussi un cerveau humain. Oh, ok. Voilà. Donc c'est un cerveau qui a été pris sur un fœtus non viable qui a été il a grandi, c'est ça, et donc il lui a été greffé. Donc il a une certaine empathie pour les humains et voilà. Belle découverte. C'est pas les inventions. C'est toujours le fun ça, de voir les nouvelles inventions des auteurs, surtout en SF. Mais bon, je sais pas ce que ça donnera. Au final, mais bon, pour l'instant, je m'amuse bien à créer cet univers. J'ai repris quelques personnages que j'avais, qui n'existent que dans la partie de Mazas. Donc, les personnages qui t'appartiennent, autrement dit. Entre autres, j'ai les Topinguets qui sont des tueurs professionnels. J'ai récupéré les Kerbtir, que j'aime pas beaucoup, mais bon, qui me servent de temps en temps. etc. Et puis évidemment les Karzassiens, Karzak évidemment. Ouais. Et comme je suis un fan de Karzak, de Francis Karzak, j'ai appelé le monde, la ville la capitale de Karzak, La Prade, qui était le nom d'un des héros de Karzak. Et le système où se trouve Karzak s'appelle Bord, qui était le nom réel de Francis Karzak. Ah. Voilà. Est-ce qu'il est encore en vie, ce monsieur? Oh non, il est mort il y a très très longtemps. Okay. Il aurait probablement apprécié le clin d'œil. Peut-être. Sans doute. Voilà. Bon, merci beaucoup, André. De rien, j'étais ravi de pouvoir parler avec toi d'une part et avec les usagers de l'avenir, les éditions de l'avenir, voilà. À une prochaine. Bon, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mario Fecteau, l'auteur entre autres des Mains du Pentacle, puis... Nous avons eu le plaisir, nous avons eu l'honneur d'adapter en audio quelques-unes de ses nouvelles au cours des années. Et Mario va sortir deux romans bientôt, deux nouveaux romans. Il est là pour nous en parler. Oui, alors je retourne à mes premiers amours, si on peut dire, la science-fiction. La série s'intitule Les Protecteurs. Et il s'agit de l'histoire d'un peuple qui vit sur une planète lointaine. Et... Eux ont échappé de justesse à l'holocauste nucléaire sur leur monde. Et par la suite, en utilisant leur science, ils ont pu voyager dans l'espace. Ils ont découvert que ce même drame arrivait à toutes les civilisations. Ils ont donc formé une association, une ligue, pour aider les peuples à éviter la guerre nucléaire. Et un de ces protecteurs va s'attacher particulièrement à un peuple très prometteur, appelé « Homme ». C'est-à-dire donc qu'il s'intéresse particulièrement à la Terre. Oui. C'est quoi? Ça va être une trilogie? Ce sera une trilogie. Alors, le premier roman, évidemment, c'est le premier contact avec l'humanité. Alors, l'extraterrestre rencontre une spationaute britannique qui quitte la station spatiale, qui le rejoint dans son propre vaisseau. Et là, l'extraterrestre raconte toute l'histoire de la Ligue et comment il en est venu à s'intéresser particulièrement à l'humanité. Et comment il s'y prend pour essayer de la sauver. Là, tu sors quoi? Tu sors deux romans? Les deux premiers romans vont sortir cet automne. La date prévue est le 15 octobre, s'il n'y a aucun changement. Et le troisième, qui finira l'histoire, sortira au printemps, fin d'hiver, début du printemps, imaginons 2015. Ça sort où? Aux éditions ADA. OK. Est-ce que tes lecteurs vont avoir l'occasion de te voir ou te rencontrer? Oui, je serai au Salon du Livre. Malheureusement, il n'y avait plus de place disponible au Salon du Livre de Sherbrooke, parce qu'il sort exactement la même semaine que le Salon du Livre de Sherbrooke. Et je serai donc au Salon du Livre de Montréal les jeudis, vendredis et samedis, en après-midi et en soirée. Ah, ça a lieu quand, le Salon du Livre de Montréal? Du 19 au 24 novembre. Tu vas célébrer ton anniversaire, là, ou presque? Effectivement. Effectivement. Ça sera donc le 20, 21 et 22 novembre. T'en es où dans la rédaction du troisième? J'ai à peu près le deux tiers du troisième roman de terminé. OK. Tu vas le remettre quand pour la publication au printemps? Je devrais le remettre d'ici fin octobre, début novembre. J'ai eu le plaisir de lire les deux premiers, effectivement, parce que je suis comme ton premier lecteur, ou presque. C'est très dramatique comme série. C'est très dramatique, les romans. Le ton... J'ai un certain souvenir de la fin du deuxième, puis... Effectivement, il n'y a pas de mort, mais le deuxième, oui, il y a eu une mission qui a échoué. J'en dirai pas plus pour briser suspense, mais effectivement, donc, le deuxième livre se termine sur une dispute, on n'en dira pas plus. Et ça ne s'améliorera pas au début du troisième. Mais tout est bien qui va finir bien. OK. Ça va être une histoire complète en trois volumes. Exact, effectivement. Tu prévois rien ajouter dans cet univers-là plus tard? Non. L'histoire va être fermée en trois volumes. OK. Quels sont tes projets, autres que les protecteurs? Alors, pour l'instant, j'ai un roman qui est en attente chez un éditeur. Et si ça prend trop de temps, je l'enverrai lui aussi chez ADA. C'est un livre qui ne fait partie d'aucune série, donc un roman isolé. La SF? De la science-fiction à la Arthur Clarke, dirons-nous, c'est-à-dire une réalité scientifique en utilisant les technologies actuelles. En fait, ça raconte la première mission sur la planète Mars telle qu'elle pourrait se dérouler. Le roman s'intitule « Le 49e homme sur la Lune ». Et en sous-titre, j'ai écrit d'ailleurs « Hommage à Arthur Clarke ». Ça ne peut pas être plus clair que ça. Non, ça, effectivement, c'est précis. Sinon, tu travailles sur d'autres idées de projet? J'ai ensuite un projet d'une série retournée dans le monde de la fantasy qui pourrait commencer en début 2016, c'est ce que j'espère. Et j'aurai deux à trois romans par année dans cette série-là. C'est une série que je veux, ce que j'appelle une série ouverte, c'est-à-dire que le nombre de romans n'est pas déterminé à l'avance, comme c'était le cas pour les Mains du Pentacle. Alors, selon le succès, on en fait plus, et si ça plaît moins, on fait le dernier roman pour fermer la série, simplement. Puis, est-ce que ce sera une série comme les Mains du Pentacle, c'est-à-dire que c'est difficile de lire le dernier volume sans avoir lu les autres? Non, au contraire, je voudrais une série où chaque roman est à peu près une histoire complète en lui-même, de sorte que si quelqu'un tombe par hasard sur le numéro 4 et le lit ne sera pas perdu. Pas besoin de pas besoin. Pas besoin de 10 pages de résumé au début. Non, absolument pas. C'est aucun résumé au début. Tout simplement, chaque histoire serait complète. On pourrait comparer ça, par exemple, au cinéma avec Les Mains du Pentacle, comparé au Seigneur des Anneaux, qui est une histoire en trois films. Et là, on se comparerait plus à, par exemple, la série de films Columbo. Chaque film est une histoire complète en lui-même, avec le même personnage. OK. Je te connais déjà depuis plusieurs années. Je sais qu'habituellement, tu as plus d'un projet en tête. Tu es multiplié les projets. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées. As-tu autre chose en vue? Oui, effectivement. Je vais essayer dans d'autres genres aussi. J'ai deux idées de romans. Chacun sera un roman isolé. Un s'intitulerait « Pilote de Grand Prix ». Ah. Qui se déroulerait donc dans le monde de la Formule 1. Ça découle de ton amour des Grands Prix. À une époque, tu suivais ça assidûment. Oui. J'ai aussi pensé à un roman qu'on appelle une uchronie. C'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé si... Et dans ce cas-ci, que se serait-il passé si les Américains n'avaient pas employé la bombe atomique pour terminer la Deuxième Guerre mondiale? On va te souhaiter un bon salon de Montréal. Merci. Puis te souhaiter beaucoup de succès avec ADA. Ce sont les premiers romans que tu publies chez eux. Oui, c'est un troisième éditeur. Ça va être un projet à long terme, j'espère. On va souhaiter aussi beaucoup de lecteurs et pour la nouvelle série. Merci beaucoup. À la prochaine, Mario. Merci. Et voilà, ainsi se termine cette 24e émission de la deuxième série du podcast des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt.